Bien-aimés, l'heure est grave. Les sacrifices humains qui se font dans une église, trop c'est trop. Trop c'est trop. Ça montre à quel point le diable est rentré dans l'église. Les sacrifices humains qui se font dans l'église parce que des gens veulent de l'argent. Ils n'hésitent plus à faire des sacrifices. On fait des sacrifices dans une église. Vous vous rendez compte à quel point le monde, à quel point le mal est déjà. Les gens courent derrière l'argent. Tout ça parce qu'on veut gagner de l'argent. Tout ça parce qu'on veut gagner de l'argent. Et on dit qu'on est serviteur de Dieu. De quel Dieu? La Bible dit, tu ne tueras point. La Bible dit, les tueurs, les assassins iront en enfer. Mais vous avez des gens qui ne pensent qu'à l'argent, n'est-ce pas? Qui sont prêts à tout. Jusqu'à sacrifier dans les églises. Regardez le pauvre chante qui faisait son jeûne, qui faisait la prière, qui se confiait à Dieu. Voilà, et qui se fait décapiter par des gens qui traitent avec des marabouts pour avoir de l'argent. La crainte de Dieu n'est pas dans leur cœur. On sacrifie quelqu'un qui faisait sa prière. Quelqu'un qui faisait le jeûne, on envoie des individus l'égorger parce qu'on a besoin d'une tête humaine, une tête fraîche qu'on doit apporter chez le marabout du coin qui va faire des gris-gris pour que ton église ait beaucoup de membres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les églises qui poussent comme des champignons dans les quartiers, de gauche à droite, toutes ces églises ont un seul but, obtenir de l'argent. Les gens courent derrière l'argent. Tout le monde se dit prophète. Tout le monde se dit docteur, révérend, général ci, général ça, apôtre ci, apôtre ça. Tout le monde court derrière l'argent. Et voilà. Et on n'hésite plus à sacrifier. Bien-aimé, l'heure est arrivée. L'heure où tout enfant de Dieu doit avoir le discernement. Tous ceux qui se disent apôtres, tous ceux qui se disent prêtres, pasteurs, évangélistes, docteurs, tout ce que vous voulez, ne sont pas tous des serviteurs de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu ne peut pas, comment dirais-je, commanditer des sacrifices rituels dans les églises. Attention, ce n'est pas parce que vous voyez des gens porter des soutanes, ce n'est pas parce que vous voyez des gens porter des croix, ce n'est pas parce que vous voyez des gens porter des beaux habits, qui se disent apôtres, qui se disent évangélistes, qui se disent, comment dirais-je, prophètes, qu'ils sont des envoyés de Dieu. Jésus-Christ a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Regardez les fruits. Regardez vous-même les fruits. C'est pourquoi je vous avertis. Je vous dis déjà, quelques petits signes. Si vous voyez un homme de Dieu, quelqu'un qui se dit il est pasteur, il est apôtre, il est prophète, vous le voyez avec une grosse chevalière. Regardez bien les doigts de l'homme de Dieu qui est devant vous. Parce qu'un véritable homme de Dieu ne porte pas de chevalière. Les disciples de Jésus ne portaient pas de chevalière aux doigts. Les chevalières sont des bagues magnétisées. Des chevalières sont des bagues travaillées. C'est des bagues travaillées. C'est des bagues dotées de puissance. Je vous donne un petit conseil. Si un homme de Dieu, vous voulez rencontrer un homme de Dieu, il vous reçoit dans son bureau. Si vous voyez une chevalière sur son doigt, c'est des grosses bagues. Donc, dites-lui, pasteur, est-ce que tu peux retirer la chevalière, la bague? Tu pries pour moi après. Il ne va pas accepter. Parce que sa puissance, son pouvoir est lié à la grosse bague qui est au doigt. C'est une bague travaillée par un marabout. La bague là est magnétisée, la puissance qui fait que lorsqu'il touche quelqu'un, la personne tombe par terre, lorsqu'il fait comme ça, les gens tombent par terre, ces puissances occultes sont liées à la grosse bague qu'il a au doigt. Donc faites attention, vous allez voir d'autres hommes de Dieu qui vont voir des grands marabouts la nuit parce qu'il existe des réseaux. Il y a des réseaux au Nigeria, au Bénin et au Ghana où des gens peuvent aller voir des grands marabouts. Ils peuvent travailler une bague pour vous. Mais en échange, ils vont vous demander par exemple 5 litres de sang humain. Ils peuvent vous demander un bébé. Ils peuvent vous demander la langue d'une personne. Ils peuvent vous demander le sexe. Ils peuvent vous demander une tête d'homme. Que vous avez. Ces organes humains, vous allez les enterrer dans votre église. C'est-à-dire, il va vous dire par exemple, devant la porte de votre église, de creuser, vous allez creuser devant la porte. Et c'est là que vous allez planter le fétiche, vous allez bien recouvrir la terre dessus, ensuite placer un tapis. Ça veut dire que toute personne qui entre dans votre église, qui entre dans cette église et qui passe sur ce fétiche, cette personne va se retrouver envoûtée. C'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'on peut te dire, toi qui fréquentes cette église, que ce pasteur, on l'a trouvé là-bas en train de violer un enfant. On l'a trouvé là-bas en train de faire quelque chose de mauvais. Tu vas même trouver des excuses. Tu vas dire, ah oui, c'est la chair FR, ça peut arriver à tout le monde. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'on peut te dire de cet homme de Dieu, tu es comme drogué. Pour toi, c'est le meilleur des hommes de Dieu. Même si on te parle de ces conneries, même si on l'a attrapé, la met dans le sac, tu vas toujours trouver des excuses parce que tu l'appelles ton papa. Oh, c'est mon papa. Oh, c'est mon papa. Parce que tu as été envoûté. Parce que le fétiche que le marabout lui avait donné, qu'il avait placé, planté devant la porte, toutes les personnes qui passent par-dessus rentrent dans un lien d'envoûtement. Ce qui fait que tu n'es plus disciple de Jésus. Tu deviens le disciple de cet homme de Dieu. Pour toi, il devient le meilleur des hommes de Dieu. C'est le meilleur de tous les hommes de Dieu du monde. C'est tout simplement parce que tu es sous l'oppression de l'envoûtement. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les églises poussent comme des champions dans des quartiers. Tous ne sont pas des hommes de Dieu. D'autres vont voir des marabouts, des grands marabouts au Bénin, au Nigeria, au Ghana. Il existe d'autres réseaux, il existe d'autres, mais ce sont surtout ces trois-là qui fréquentent beaucoup plus les serviteurs de Dieu de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nigeria, Bénin, Ghana. Tu vas voir l'homme de Dieu, il te dit, amène-moi 5 litres de sang humain. Et toi, tu amènes 5 litres, il te dit, amène un mouchoir. Tu amènes le mouchoir, il va travailler le mouchoir avec le sang humain que tu as amené. Il va tout travailler dans le mouchoir. Il te dit, viens chercher le mouchoir tel jour, la nuit ou la journée. Et puis, il va faire des incantations. Il te donne le mouchoir. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans certains séminaires ou dans certaines églises, quelqu'un fait comme ça avec son mouchoir. Il fait le mouchoir comme ça, les gens tombent. Il fait le mouchoir comme ça, les gens tombent. Il fait le mouchoir comme ça, les gens. Ça, c'est des mouchoirs travaillés. Parce que si vous enlevez le mouchoir qu'il tient, vous lui donnez un mouchoir sain et vous lui demandez de faire la même chose, vous verrez que les gens ne tomberont pas. Parce que les gens tombent avec ce mouchoir. C'est un mouchoir qui a été travaillé par un grand marabout. C'est pourquoi quand il fait comme ça, si le mouchoir là se touche, tu tombes. Tu fais comme ça, il tombe. Demandez-lui, pasteur, pose ce mouchoir ici, on te donne, quelqu'un de l'assemblée lui donne un autre mouchoir, un simple mouchoir. Demandez-lui de faire la même chose, et vous verrez qu'avec un autre mouchoir, les gens ne tomberont pas par terre. Parce que le pouvoir qui fait tomber les gens a été lié au mouchoir que le marabout a travaillé pour lui. C'est pour vous dire, vous voyez un homme de Dieu qui fait comme ça, les gens tombent, qui fait... Attends, lisez la Bible. Là, Jésus a dit, un serviteur ne peut pas être plus grand que le maître. C'est Jésus le maître. Qui a vu Jésus devant une foule? Il fait seulement la main comme ça, les gens s'écoulent. Il fait seulement la main comme ça. Ça, c'est des guérisseurs. Ça, c'est les gens qui vont voir des guérisseurs. Ça, c'est des puissances démoniaques. Est-ce que le diable fait des miracles? Oui! Jésus dit dans Matthieu 24 que ces faux prophètes feront des miracles. Et Jésus dit, beaucoup, une foule, un grand nombre de personnes, allez les suivre, parce qu'ils font des miracles, des vrais miracles. Vous allez remarquer que lorsque Dieu, en Égypte, a appelé Moïse, pour utiliser Moïse, parce qu'il voulait délivrer son peuple de l'Égypte, Moïse allait parler au Pharaon, et pour que Pharaon ait la preuve que c'est Dieu qui a envoyé Moïse, Dieu faisait des miracles pour convaincre Pharaon que c'est moi qui envoie Moïse. Mais que dit la Bible? La Bible dit, Pharaon aussi avait des mages, avait des marabouts, si tu veux, le marabout, qui travaillait pour lui. Et ces marabouts-là aussi disaient au Pharaon, « Oh, Moïse fait des miracles, mais nous aussi on est capables, parce que les marabouts aussi faisaient des miracles. » Avec quel pouvoir et quelle puissance que les marabouts faisaient des miracles? Avec la puissance du diable. La Bible dit que Dieu nous a délivrés des puissances des ténèbres. Ce sont des puissances, la Bible dit, des puissances des ténèbres. Jésus nous délivre des puissances des ténèbres. Ce sont des puissances. Ces puissances-là font des miracles aussi. Si vous signez des pactes avec eux, par l'intermédiaire des marabouts. Parce que quand tu vas voir le marabout, c'est Satan qui est derrière le marabout, c'est Satan son maître. Donc, le marabout est seulement l'intermédiaire entre le diable et toi. C'est-à-dire, le diable passe par le marabout pour signer un pacte avec toi. Et Satan va faire des miracles dans ton ministère. Bien sûr, pour tromper les gens, tu vas tenir une Bible, tu vas dire Jésus, Jésus, Jésus, alors que toi, tu comptes sur le mouchoir qui a été travaillé chez le marabout. Toi, tu comptes sur l'huile d'onction, parce que beaucoup aussi, beaucoup vont voir les marabouts avec des cartons d'huile d'olive. Tu vas trouver le marabout la nuit avec des cartons d'huile d'olive. Il va faire des incantations dessus. Mais il va peut-être te demander une tête d'homme. En fait, pourquoi une tête d'homme? Parce que le marabout va signer un pacte entre toi et l'esprit du mort. Ça veut dire que dans ton ministère, c'est l'esprit de la personne sacrifiée qui va travailler pour toi. C'est cet esprit qui va faire des miracles. C'est cet esprit qui fera que les gens tombent, les gens soient envoûtés. En fait, tu contrôles l'esprit de la personne que tu as sacrifiée. C'est la raison pour laquelle on te demande d'amener une tête d'homme. Parce que le marabout va essayer d'établir, n'est-ce pas, un lien spirituel entre l'esprit du mort, l'esprit de la personne sacrifiée et toi. Ce qui fait que lorsque tu seras à l'église, d'accord, c'est cet esprit qui va agir pour toi, c'est cet esprit qui va travailler. Mais tu ne vas pas t'arrêter là. Après un temps, il va falloir encore sacrifier une autre personne. Sacrifier, sacrifier, sacrifier pour renforcer ton équipe. Et je peux vous dire que ce qui est passé en Côte d'Ivoire, c'est rien. Le pasteur Jean Niaba n'est pas le seul. Beaucoup le font dans le secret. Il a seulement eu la malchance. Mais sinon, beaucoup de personnes font des sacrifices de bébés, des sacrifices humains. D'autres amènent le sang. Tu te mets devant la chair, là où on place la table du pasteur. On verse le sang, là, on allume les bougies. Ces incantations se font la nuit, entre 1h du matin et 3h du matin. C'est là où tu fais des incantations dans l'église. C'est là où tu verses le sang humain. C'est là où tu fais des prières occultes. Pourquoi? Pour embouter les gens. L'objectif, c'est quoi? Pourquoi ils le font? Parce que comme ces gens courent derrière l'argent, ils vont voir des marabouts, ils signent des pactes dans le monde occulte avec le diable pour avoir un grand nombre de fidèles dans leurs églises. Pourquoi? Parce que plus tu as 1000, 2000, 5000 fidèles, plus les offrandes seront énormes. Parce que ta vision, ce n'est pas le salut des âmes. Tu vises l'argent. Et ils veulent les foules. Et pour avoir les foules, Satan va te demander des sacrifices humains en échange. Et en échange, tu auras des foules. Pourquoi? Parce que plus tu as 5000 membres, plus tu auras l'offrande, les offrandes et les dîmes seront énormes aussi. C'est par rapport au nombre de fidèles. Et avec cet argent, tu es riche, tu t'habilles comme un prince, tu as ta voiture, tu roules la voiture électronique, dernier cri, tu habites dans un château, tu vis dans le luxe. Quand tu voyages, tu ne voyages qu'en première classe. Tu voyages qu'en première classe. Les femmes, tu claques les doigts, tu couches avec la femme que tu veux. Femme de ministre, femme d'affaires, jeune fille de matin, étudiante. Les femmes, tu couches avec, tu fais la grande vie. Tu vas dans des restaurants de luxe. Ces gens, c'est tout. Ils n'ont que ça dans la tête. Ils n'ont que ça dans la tête. Donc, ils font des sacrifices parce que Satan demande des sacrifices en échange pour qu'il te donne le pouvoir d'envoûtement, le pouvoir de faire des miracles. C'est pourquoi, lorsque tu vas toucher les gens, c'est pourquoi j'étais en train de vous dire, vous regardez les doigts de l'homme de Dieu qui est en face de vous. Si vous voyez une grosse bague, je ne parle pas de l'alliance du mariage, je dis une grosse bague ici, ça s'appelle des chevalières. Si vous voyez une grosse bague sur son doigt, n'acceptez pas qu'il vous impose les mains. Parce que la puissance démoniaque, parce que Jésus n'avait pas de chevalière. Aucun disciple de Jésus ne portait une chevalière au doigt. Les chevalières, c'est des bagues travaillées chez le marabout. Les chevalières sont dotées ce sont des bagues magnétisées, dotées de pouvoirs occultes. C'est pourquoi je vous dis, voyez l'homme de Dieu qui vous reçoit. Si vous voulez avoir la preuve que cette bague ne sert à rien, ou bien cette bague est pour quelque chose, dites, pasteur, est-ce que tu peux retirer cette bague? Après, tu m'imposes les mains. Il ne va pas refuser, il ne va pas accepter. Il ne va pas accepter. Parce que le pouvoir qu'il a, est liée à cette barre que le grand marabout a travaillée. La puissance est là. C'est cette puissance qui fait que quand il te touche, tu tombes. Quand il fait ça, tu tombes. La puissance est liée là. Donc, la grosse barre là n'est pas là pour rien. Si vous le voyez, si peut-être c'est quelqu'un qui utilise un mouchoir magnétisé, prenez un simple mouchoir de l'assemblée. Dites, pasteur, vous pouvez utiliser ce mouchoir, il va refuser. Parce que c'est son mouchoir qui a été travaillé par le marabout. Parce que si vous lui donnez un autre mouchoir, vous verrez que les gens ne tomberont plus. Le marabout ou bien la bague qui est au doigt ont été travaillés parce qu'il est allé faire un sacrifice. On lui a peut-être demandé le sang humain et il a travaillé sur, le marabout a travaillé sur la bague ou bien sur le mouchoir. Donc, ils font ça pour faire des miracles parce qu'ils ont compris qu'il y a des gens qui suivent comme des mouches les miracles. Les gens, une fois qu'ils voient les miracles, ils courent derrière. C'est-à-dire, les gens ne regardent plus dans la Bible. Est-ce que j'ai vu tout à l'heure dans une vidéo, un pasteur nigérian, il est au Kenya, il demande à des jeunes femmes de venir le voir, tu te déshabilles et il va presser tes seins. Il prend le liquide des seins et il dit à ces jeunes femmes, c'est pour que vous ayez le Saint-Esprit. Mais comme ces jeunes femmes ne lisent pas la Bible, comme les gens ne lisent plus la Bible, les gens font bêtement des choses. J'ai vu des gens, on leur fait boire l'huile d'onction. Je suis désolé. Dans quel but? Dans le livre de Jacques, il est question de prier pour les malades avec l'huile d'onction, en leur faisant l'huile d'onction. Mais il n'a jamais été question de le boire. C'est-à-dire qu'il y a du n'importe quoi dans les églises et les gens acceptent bêtement parce que les gens ne vérifient plus dans la Bible. La Bible déclare qu'à Antioche, dans la ville d'Antioche, quand l'apôtre Paul prêchait, les gens examinaient les Écritures pour savoir si ce que Paul dit est vrai. Aujourd'hui, nous avons des gens qui suivent bêtement comme des moutons. L'homme de Dieu dit comme ça, ils font. L'homme de Dieu te verse l'eau dessus. Il n'y a même pas l'eau, pasteur. L'eau dessus, vous pouvez me donner un passage biblique qui justifie cela. C'est-à-dire que les gens ne posent plus de questions. Les gens font tout ce que les gens veulent, le miracle. Et c'est pourquoi des faux hommes de Dieu, ils poussent, ils... Vous n'avez encore rien vu. Les faux hommes de Dieu, ils vont envahir le monde entier. Parce que Jésus dit bien dans l'évangile de Matthieu qu'ils seront nombreux et qu'ils feront des miracles. Et comme il y a des gens qui suivent les miracles, donc les miracles, Satan ne les fait pas gratuitement. Quand ces gens vont consulter les marabouts, quand ces gens vont consulter, ils vont au bord de la mer la nuit pour signer des pactes avec les sirènes des eaux. Les sirènes, beaucoup vont signer des pactes au bord de la mer la nuit, en allant invoquer les sirènes des eaux. Et ces sirènes des eaux leur donnent des conditions. Par exemple, il y a un monsieur qui avait signé son pacte au Nigeria avec une sirène. La sirène lui disait, tout ce que j'attends de toi pour que tu aies des miracles dans ton église, moi ce que j'attends de toi, c'est que tu couches avec 6 filles vierges par mois. Tu te démerdes à trouver 6 vierges par mois, tu couches avec. C'est tout ce que je te demande comme condition. Malheur à toi si tu ne respectes pas le pacte. Moi, je ferai tout pour qu'il y ait des miracles quand tu imposes les mains. Mais moi, j'attends de toi que tu dévierges par moi 6 filles vierges. Donc, bien-aimé, et les gens étaient dans l'église de ce monsieur. Parce que quand il montrait seulement la main comme ça, les gens tombaient comme des gouttes de pluie. Quand il faisait comme ça, tout le monde s'écroulait, tombait par terre. Tout le monde tombait par terre. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Je veux vous dire que vous n'avez jamais vu Jésus faire comme ça, les gens s'écroulent. Aucun disciple de Jésus faisait ça, tout le monde par terre. C'est des pratiques démoniaques. C'est des pratiques qui viennent de l'occultisme. C'est des pratiques occultes. Satan aime le spectacle. Satan aime le spectacle. Il fait seulement comme ça, les gens s'écroulent. Il fait seulement comme ça, les gens s'écroulent. C'est le diable qui travaille. Ce n'est pas l'onction de Dieu. Cette onction-là n'est pas de Dieu. L'onction de Dieu s'est manifestée dans la vie de Jésus et dans la vie des disciples. Ce sont nos modèles. Toute pratique qui n'est pas biblique n'est pas de Dieu. Toute pratique qui n'est pas biblique n'est pas de Dieu. Même s'il y a un miracle, même si au final il y a un miracle, tant que la pratique n'est pas de Dieu, n'est pas biblique, cette pratique n'est pas de Dieu. N'acceptez pas. N'acceptez pas parce qu'il y a un miracle. Mais il faut vérifier, est-ce que c'est biblique? Posez-vous la question, est-ce que c'est biblique? C'est la Bible qui est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Donc toute pratique qui ne cadre pas avec la parole de Dieu n'est pas de Dieu. Vous ne devez pas l'accepter, même si au final il y a un miracle. Parce que Satan aussi fait des miracles. Satan aussi a une puissance pour faire des miracles. C'est pourquoi la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances démoniaques. La Bible dit que c'est des puissances démoniaques dont ils ont une puissance. Et c'est cette puissance-là qui travaille, c'est cette puissance qui agit à travers les faux serviteurs de Dieu. Parce que ces faux serviteurs de Dieu ont signé des pactes avec le diable par l'intermédiaire des marabouts au Nigeria, au Bénin, au Ghana. Beaucoup vont les voir. Beaucoup. Je peux vous dire que sur 10 pasteurs, sur aujourd'hui, dans nos quartiers, dans nos villes, sur 10 pasteurs, peut-être 2 sont des vrais. Les 8 là, c'est des faux. Et tous ces faux là se connaissent. Quand ils se retrouvent ensemble, chacun parle de son fétiche. Et ils vont de temps en temps revoir le marabout pour renforcer la batterie. Parce que plus ils utilisent le fétiche, plus petit à petit, le fétiche perd de puissance. Et il est obligé d'aller voir le grand marabout. Et le marabout va lui dire, écoute, pour renforcer le truc, il faut que tu amènes encore le sang. Il faut que tu amènes un bébé. Il faut que tu amènes ton enfant. Il faut que tu amènes un truc. De toutes les façons, c'est toujours des trucs qui coûtent cher et ça tourne autour du sang humain. Donc, ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je vous dis que beaucoup le font, seulement que le prophète de Côte d'Ivoire n'a pas eu la chance. D'autres le font discrètement. Combien d'enfants disparus dans nos villes, des personnes qu'on ne trouve pas de traces. Combien de personnes on trouve au bord de mer, complètement dépecées. On a prélevé des organes. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes de Dieu sont dans ces choses. Ils sont là dans ces réseaux-là, les réseaux de occultes, dans des rituels, parce qu'ils veulent le pouvoir. Tous les hommes de Dieu ne sont pas là pour que vous partiez au paradis. Non, beaucoup sont là parce qu'ils veulent se servir de vous pour s'enrichir. Et c'est pourquoi ils sont prêts à tout, tout ce que le marabout lui demande. Vous croyez que quand la tête d'Emmanuel Silvio, on coupe sa tête, c'est pour faire quoi? C'était pour aller voir le grand marabout. Parce que le grand marabout a demandé une tête d'homme. C'est pourquoi le prophète a tout fait pour amener la tête. Et la tête, on retrouve la tête dans son bureau, dans les toilettes de son bureau. Il ne restait plus que le monsieur prenne la tête et discrètement la nuit, aller voir le marabout et dire au marabout, voilà, tu me demandais une tête d'homme, la tête est là. Et le marabout allait faire le fétiche. Et après le fétiche, les gens allaient voir ce prophète dans une autre dimension. C'est-à-dire les gens allaient voir, il suffit qu'il fasse même comme ça, toute une foule tombe par terre. Il fait seulement comme ça, toute une foule tombe par terre. C'est-à-dire les gens allaient être étonnés de le voir dans une autre dimension. Parce que c'est comme ça, Satan, quand il t'exige un sacrifice humain, tu le fais et lui te donne une portion de sa puissance et tu vas épater les gens. Les gens seront étonnés, genre, oh là là, il a l'onction de Dieu, oh là là, il est puissant cet homme de Dieu, oh là là, le Seigneur est avec lui, oh là là, il a l'onction, oui, c'est une onction, mais cette onction ne vient pas de Dieu. La Bible dit que Dieu nous a délivrés des puissances des ténèbres, la Bible dit puissances des ténèbres, ce sont des puissances. Ces puissances aussi font des miracles, et ce sont ces puissances qui demandent en échange le sang humain. Jésus ne demande pas une tête d'homme pour te donner l'onction. Si le prophète a fait décapiter cet homme pour amener une tête, c'est parce que Satan, pour te donner sa puissance, il te demande en échange un sacrifice humain. C'est pourquoi ce faux prophète a fait le sacrifice pour aller voir le marabout. Et le marabout, en échange, allait parler avec ses maîtres qui sont des esprits spirituels et qui avaient besoin du sang. Et ces esprits allaient communiquer à l'homme de Dieu, soit par une bague travaillée, soit par un mouchoir, soit par un slip, ou par une chemise, ou par une chaînette avec une grosse croix. Méfiez-vous des chaînettes avec des grosses croix. Les marabouts travaillent aussi ça, une grosse chaînette avec une croix. Le marabout travaille aussi ça. Donc le monsieur allait le porter, la grosse chaînette, peut-être c'est dans sa chemise. D'accord? Et voilà, il met son costume en haut, la chaînette est en bas. Et vous vous êtes étonné s'il fait seulement sur le micro, tout le monde tombe. Il souffle seulement sur le micro et les gens s'écroulent. Vous croyez que cette puissance vient de qui? Jésus, qui est le grand maître, Est-ce que vous avez vu Jésus faire ça? Jésus a bien dit que le serviteur ne peut pas être plus grand que moi, le maître. Si Jésus n'a pas fait quelque chose, c'est vous. Vous êtes devenu plus grand que Jésus. Donc, bien aimé, pitié pour des personnes qui ne vont pas lire la Bible. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne lisent plus la Bible. La Bible est la lumière. La Bible est la parole de Dieu. Et celui qui est à fond dans la Bible aura la lumière de Dieu. Et on ne peut pas avoir le discernement si on ne connaît pas la parole de Dieu. Le faux prophète nigérian qui presse les seins des filles au Kenya, soi-disant que si je presse vos seins, vous aurez le Saint-Esprit sur vous. Mais elle est tombée sur une femme qui lui dit, mais pasteur, pouvez-vous me montrer dans la Bible où la Bible parle de ça? Et tout de suite, l'homme l'a raccroché au nez. Voilà une femme qui connaissait la Bible. Et la première, celles qui ne connaissaient pas la Bible vont tout simplement à l'abattoir. Ils vont voir des faux hommes de Dieu qui sont dotés de puissances occultes, qui travaillent pour Satan, et ils utilisent une puissance qui vient du diable, et vous vous faites avoir. Parce que si le faux prophète fait un miracle, et que toi tu vois le résultat, tu ne pourras plus te détourner de ce faux prophète. Parce que c'est le but de Satan. Il fait un miracle, et toi tu vas t'accrocher à ce faux prophète. Mais le miracle vient du diable. Le diable veut te garder comme disciple de ce faux prophète, jusqu'au jour où la mort va te frapper. Et si la mort te surprend, accident de voiture, quelqu'un t'a tué, une balle perdue, ou tu as été agressé, ou une maladie incurable, je n'en sais rien, mais si tu tombes, si la mort te frappe, alors que tu n'étais pas en relation avec Jésus, ton compte est bon. C'est l'enfer direct et Satan le sait. C'est pourquoi il pousse les faux prophètes à faire des miracles pour que la foule s'attache, pas à Jésus, mais au miracle. Et comme la foule s'attache au miracle, ils vont suivre ce gourou, ce faux prophète qui est un agent du diable, parce que lui, il renforce son pouvoir chez les marabouts. Une fois que la puissance commence à baisser, parce que la puissance du diable n'est pas à vie. Quand tu fais un sacrifice humain, Satan te donne une puissance. Cette puissance est pour un temps. Les choses de Dieu sont à vie, les choses du diable ne sont pas à vie. Donc une fois que la puissance commence déjà à baisser, tu ne pars voir le marabout la nuit. Et le marabout te dit, bon, pour qu'on puisse renforcer le truc, il faut encore le sang. Tu m'amènes un bébé, tu m'amènes la tête d'une femme, tu m'amènes le vagin d'une femme, tu m'amènes le sexe d'un homme, tu m'amènes, je sais pas quoi, le sang dans une des bouteilles de sang. Tu amènes ces choses. Et pour renforcer la puissance, et c'est ce qui se passe. Donc, ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, ça ne doit sur 30 personnes. Beaucoup le font. C'est pourquoi je vous ai dit sur 10 hommes de Dieu aujourd'hui, dans nos villes, dans nos villages, sur 10, il y a peut-être 2 qui sont des vrais. Les guttes, c'est les faux. Même si vous voyez des gros titres bishop, si vous voyez des gros titres général tel, si vous voyez des gros titres de révérend ça, grand apôtre, révérend pasteur, révérend prophète, vous voyez des gros titres. Ne vous laissez pas avoir parce que vous voyez des gros titres, ça ne veut rien dire. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Regardez les fruits, parce qu'un véritable homme de Dieu doit prêcher la repentance. Un véritable homme de Dieu doit condamner le péché. Or, quand vous voyez ces hommes de Dieu, ils ne parlent que de miracles, de bénédictions. Ils ne parlent que de prospérité. Ils ne parlent que des choses du monde. C'est-à-dire, vous ne verrez pas condamner l'adultère, la fornication, le crime, le mensonge, le vol. Vous ne verrez pas condamner ces choses parce qu'eux-mêmes sont là-dedans. Et pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils ne sont pas sauvés. Ce sont des agents qui travaillent avec la puissance du diable au travers des marabouts. Donc, ils n'ont pas le salut. Et pourquoi ils vont vous parler du salut alors qu'eux-mêmes ne l'ont pas? Donc, la seule chose qui les intéresse, c'est que Satan leur donne le pouvoir en échange de sacrifices humains, le pouvoir de faire des miracles. Et quand les gens verront les miracles, les gens vont les suivre comme des mouches. Et plus la foule va les suivre, plus ils vont gagner beaucoup de dîmes et des offrandes. Parce que si son église, quand il apprend que l'église de son collègue a déjà 500 membres, lui se dit, oh là là, il roule dans une grande voiture, c'est normal, il a 500 personnes, donc il a un montant de dîmes et des offrandes très élevé. Et moi, il faut que j'aille voir le marabout, hein, pour que le marabout fasse aussi quelque chose, ou le marabout qui a travaillé pour lui. Il faut que le même marabout travaille pour moi. Et le marabout te dit, ok, bon, toi tu veux beaucoup de monde, tu veux combien? 2000 membres dans ton église, 5000 membres. Plus tu veux beaucoup de membres, plus le sacrifice sera grand. Donc, il te dit, tu veux 5000 membres, tu te dis, ok, tu veux 5000, ouais, tu m'amènes 2 à 3 bébés. Tu m'amènes 10 litres de sang humain. Tu m'amènes des têtes humaines. Il va te demander, parce que si tu veux 5000 membres, parce que tu auras aussi beaucoup de dîmes et des offrandes. C'est pourquoi Satan te demande aussi toute sa chair. Parce qu'il sait que en retour, tu auras beaucoup d'argent, tu vas rouler dans des grosses voitures. Quand tu voyages qu'en première classe, dans des avions. Hein, tu auras un train de vie vraiment, de, même pas de ministre, plus même. Donc ce sont des gens qui ne courent que derrière l'argent. Bien-aimés, soyez vigilants. Soyez vigilants, l'homme de Dieu qui te fait boire des trucs, l'eau, l'huile et tout ce que tu veux. C'est... Dis-lui, pasteur. Pouvez-vous me montrer dans la Bible où c'est écrit, c'est tout. Parce que si c'est la Bible qui est la lumière, c'est la Bible qui est la vérité, un homme de Dieu qui suit la Bible va te dire, ok, mon frère, ma soeur, moi, je suis la Bible. Ouvre ta Bible, j'ouvre la même. Ce que je te demande de faire là, on va lire dans Deutéronome, on va lire dans 1 Corinthiens, on va lire dans Romains, la Bible le demande. Mais beaucoup n'ont plus ce courage. Beaucoup n'ont plus ce courage. C'est pourquoi je vous ai dit que si vous voyez un homme de Dieu qui fait tomber les gens en faisant un mouchoir comme ça, les gens tombent. C'est un mouchoir qui a été travaillé chez le marabout. Parce que si vous prenez un simple mouchoir de quelqu'un de l'assemblée, donnez-le à l'homme de Dieu et demandez à l'homme de Dieu de le faire comme ça, personne ne tombera. Parce qu'il n'y a que son mouchoir qui fait tomber les gens. Parce que ce mouchoir a été travaillé chez le marabout. Si vous demandez à un homme de Dieu qui vous reçoit dans son bureau, pasteur, il y a quelqu'un dans une vidéo sur YouTube qui m'a parlé des grosses barbes travaillées chez les marabouts. S'il te plaît, bien-aimé, est-ce que tu peux enlever ta barbe là? Après, tu prieras pour moi. Il ne va pas accepter parce que sa puissance est liée à la grosse barbe qui est au doigt. Il ne va pas accepter. Si vous le voyez, il la retire, c'est bon. Mais je peux vous dire que les barbes travaillées, il ne va pas la retirer parce qu'il a besoin de cette puissance. Parce que quand il va te toucher, tu vas tomber par terre. La puissance est liée à la bague. Parce que le marabout a travaillé la bague pour ça. C'est une bague travaillée. Donc, ils sont nombreux. Quand vous voyez des grosses bagues, d'autres ont des mouchoirs qui ont été travaillés. D'autres portent des grosses chaînettes avec une croix. Grosse chaînette. La croix, là, la chaînette, là, a été travaillée sur le marabout. Donc, ils sont nombreux aujourd'hui. Des gens qui traitent avec le diable par des sacrifices humains. Parce qu'ils veulent avoir des grandes églises. Parce que pour eux, plus tu as beaucoup de fidèles, plus tu auras beaucoup d'offrandes et de dîmes, et plus tu seras riche. C'est-à-dire que ces personnes-là courent derrière les richesses, ils courent derrière le matériel, et ils sont prêts à tuer comme en Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire que celui-là n'est pas seul. Beaucoup le font depuis longtemps. Beaucoup de faux hommes de Dieu sont aujourd'hui sur le monde. Ils font des miracles. Ils ont des gros noms, bishops, révérends, général, machin, mais c'est des gens qui ont été voir des marabouts. Sur 10 pasteurs, je vous dis que sur 10 pasteurs, il y a 8 sont faux. 8 sont des faux pasteurs. Même s'ils ont des gros titres, vous voyez avec des gros costumes, des grosses voitures, c'est des faux pasteurs. Si vous voyez les chevaliers au doigt des grosses bagues, c'est un faux. Vous voyez des mouchoirs, on fait des miracles, calais d'un mouchoir, c'est un faux. Quelqu'un qui fait comme ça, il balance comme ça, tout le monde s'écroule. Même Jésus ne l'a pas fait. Jésus n'a jamais fait ça. Les foules venaient devant Jésus. Et dans ces foules, il y avait des gens qui avaient besoin de délivrance, de guérison. Jamais on n'a vu Jésus faire comme ça. Il pousse la main comme ça, tout le monde tombe. On n'a jamais vu ça. Satan, c'est un champion du spectacle. Le diable aime le spectacle. C'est Satan qui fait ça. Donc quand vous voyez ces pratiques, c'est des pratiques des faux hommes de Dieu. Et dans Matthieu 24, au chapitre 24, verset 24, Jésus nous a prévenus. Il a dit, ils feront des miracles, ces faux-là. Donc, ce n'est pas parce que vous voyez les gens tomber, c'est pas parce que vous avez onction. Oui, mais cette onction ne vient pas de Dieu. Il y a une onction aussi qui vient du diable. Mais cette onction du diable, l'homme de Dieu ne l'a pas eue gratuitement. Il a fait un sacrifice humain, discrètement. Il a fait un sacrifice discrètement. Et en échange, Satan lui a donné le pouvoir. Et quand la puissance du diable va commencer à diminuer, il va repartir la nuit, revoir le même marabout. Et qui va lui demander encore du sang humain pour recharger les batteries? Il va lui demander le sang humain et lui sera obligé de faire un sacrifice. Et quand il va refaire le sacrifice, la puissance va remonter. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. On donne des âmes au diable et en échange, Satan te donne la puissance de faire des miracles. Grâce à cette puissance, la foule va te suivre. Tu auras plein de monde dans ton église. Qui dit plein de monde dans l'église dit des grandes offrandes, des dîmes, des offrandes, parce qu'il y a beaucoup de monde. Une dîme et des offrandes d'une église de 2000 personnes ne peut pas être égal à des dîmes et des offrandes d'une église de 100 personnes. Et comme ces gens-là veulent s'enrichir, parce que c'est l'argent qui les intéresse, c'est pourquoi ils sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Que Dieu vous bénisse.